Avertissez-moi s'il y a un problème. Au cas où il y aurait un problème, avertissez-moi. Prenez un taxi s'il y a une grève de métro. Au cas où il y aurait une grève de métro, prenez un taxi. Augmentez le chauffage s'il fait plus froid. Au cas où il ferait plus froid, augmentez le chauffage. Appelez-moi si vous êtes libre. Au cas où vous seriez libre, appelez-moi.